Vous pensez que le luxe est pour vous un rêve inaccessible? Découvrez la collection Les Montres de Prestige pour les pauvres à monter soi-même. Rolex, Hermès, Montblanc. Grâce à la collection Les Montres de Prestige pour les pauvres à monter soi-même, assemblez vous-même votre montre de grande marque à votre rythme et selon vos moyens. Cette semaine, le premier numéro, l'aiguille des minutes de la Rolex édition limitée Marc Segula en or massif 18 carats incrusté de diamants et son fascicule doré à l'or fin au prix exceptionnel de 499,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Avec la collection Les Montres de Prestige pour les pauvres à monter soi-même, commencez à assembler votre montre dès maintenant et brillez en société avant vos 50 ans. La collection Les Montres de Prestige pour les pauvres à monter soi-même, une collection aïe aïe aïe.